Chapitre 23. Le vertige. Pendant qu'elle trempait prudemment sa bouche dans l'eau de son verre, Ophélie songea qu'elle devrait éviter de faire des promesses à la légère. Les repas de famille étaient normalement très animés, au sens propre. Les salières sautillaient d'une assiette à l'autre, les bouchons de carafes trépidaient d'impatience, et il y avait presque toujours un duel de cuillères avant la fin du dessert. Si le personnel avait d'abord été assez choqué par la façon dont les animistes insufflaient leur facétie aux objets de l'hôtel, il ne s'en étonnait plus à présent. Il s'était même pris de sympathie pour ses clients capables de réparer instantanément les serrures bloquées et les horloges détraquées de l'établissement. Aujourd'hui, toutefois, convives et ustensiles se tenaient si calmes qu'Ophélie avait l'impression de n'entendre par-dessus le lointain grondement de la mer que les moustiques qui rebondissaient sur les fenêtres de la salle à manger avec un bruit de grésillement électrique. Ophélie considéra prudemment la silhouette rouge de sa mère de l'autre côté de la carafe en cristal. Son silence n'était pas de bon augure. Pas davantage, en tout cas, que ne l'aurait été une casserole oubliée sur le feu. Ses petites sœurs se donnaient des coups de coude dès que l'une d'elles dévisageait trop longuement Thorne avec de grands yeux écarquillés. Le grand-oncle, au contraire, ne se gênait pas pour le fixer sans relâche, tout en émiettant sa galette de pain, morceau après morceau, comme si c'était un corps qu'il démembrait métaphoriquement. Les cousins, les oncles et les tantes échangeaient entre eux des regards lourds de sous-entendus, tandis qu'ils déglutissaient leur ragoût de lemming le plus discrètement possible. Même la rapporteuse se tenait coite sous son chapeau en abat-jour, mais sa girouette ne cessait de pointer son bec de cigogne en direction de l'intendant. Ophélie fit également rouler ses yeux vers Thorne, assis en bout de table. Assis, tordu aurait été le terme approprié. Cette chaise était beaucoup trop petite pour sa taille et il peinait à manipuler ses couverts sans éborgner du coude ses plus proches voisins. Il mâchait chaque morceau avec une répulsion mal dissimulée, comme si l'acte même de manger était un calvaire. À intervalles réguliers, il sortait un mouchoir de son uniforme, tamponnait le coin de sa bouche, nettoyait le manche de sa fourchette et de son couteau, reposait ses couverts dans un souci de symétrie millimétrique, repliait son mouchoir de façon impeccable, puis le rangeait à sa place. À aucun moment, il ne lui vint à l'esprit d'utiliser une serviette de l'hôtel. Ophélie étouffa un soupir. Thorne avait une conception toute personnelle de ce qu'était produire une bonne impression. Après s'être tant fait désirer, il aurait été bien inspiré de présenter ses excuses à sa future belle-famille, de leur adresser au moins quelques mots aimables. Il fallait le connaître pour savoir que le simple fait de siéger ici à cette table était la plus belle démonstration de respect dont il était capable. Le cirque était divertissant, bredouilla Ophélie en se tournant vers Hector. « Tu as montré tes photographies ?» Son petit frère haussa les sourcils sous sa coupe au bol, la bouche pleine. « Pourquoi je les montrerais ? Mais elles sont toutes ratées à cause des échos. » La conversation retomba comme un soufflé. Ophélie posa un regard de regret sur les deux chaises vides à côté d'elle. Bérénilde se tenait toujours au chevet de sa mère et la tante Roselyne s'était rendue au sanatorium pour lui apporter du linge propre. Elle seule aurait pu aider Thorne à se présenter sous son jour le moins défavorable ou du moins rendre l'atmosphère respirable. Neuf et quatre. Des deux côtés de la table, toutes les têtes se tournèrent lentement dans un même mouvement symétrique, fourchette en suspens. La voix sépulcrale de Thorne s'était élevée au milieu du silence à la stupeur générale. « Pouvez-vous répéter, monsieur Thorne ?» « Neuf, » dit-il sans lever le nez de son assiette, « c'est le nombre de nos propriétés familiales. Il s'agit de châteaux pour la plupart, presque tous d'excellentes factures. Trois d'entre eux sont établis à la Citatielle et j'en destine un à votre fille, comme cadeau de mariage. » Thorne releva enfin ses yeux mi-clos, pareils à deux fentes d'argent, mais il ne les tourna que vers la mère d'Ophélie. « Je vous suggère de visiter nos propriétés, et si vous y trouvez des souvenirs que vous voudriez rapporter sur Anima, » ajouta-t-il d'une voix dénuée de chaleur, « servez-vous à votre guise. » Ophélie écarquilla tellement les paupières que ses lunettes faillirent se décrocher de son nez. Pourquoi, de tous les sujets de conversation possibles et imaginables, était-ce celui-là que Thorne avait choisi? L'effet produit sur la famille d'Ophélie ne se fit pas attendre. Écœurés, les uns repoussèrent leurs assiettes, d'autres détachèrent leurs serviettes, le grand-oncle broya ce qu'il restait de sa galette de pain, et les plus jeunes, comprenant que les hostilités étaient déclarées, adressèrent à Thorne d'horribles mimiques. Seule Agathe, son bébé dans les bras, s'était mise à frémir d'excitation dès l'instant où le mot « château » avait été prononcé. Personne n'osa prendre la parole néanmoins. Tous les visages étaient maintenant tournés vers les parents d'Ophélie, à qui seul revenait ce droit. Le père avait pâli et rétréci sur sa chaise, tandis que la mère, dans un mouvement inverse, avait enflé et rougi à vue d'œil. « Monsieur Thorne !» dit-elle en prononçant ce nom comme s'il lui faisait mal aux dents. « Êtes-vous en train d'essayer d'acheter notre indulgence, comme je le crois ?»« Oui. » Thorne fit circuler son regard métallique sur chaque convive, arrachant des grimaces crispées aux uns et des froncements de sourcils aux autres. L'unique personne qu'il évita avec soin fut Ophélie, et pourtant, elle ne ménageait pas sa peine pour attirer son attention et le supplier muettement de s'en tenir là. « Je ne serai jamais le gendre idéal, » poursuivit-il sur le ton neutre du constat, « et je ne compte pas sur mon charme pour vous convaincre du contraire. Ces propriétés sont les seules qualités dont je puisse me vanter devant vous. » « Et c'est tout !» gronda le grand-oncle, congestionné de colère sous ses moustaches. « C'est vraiment tout ce que tu as à nous dire? Tu chercherais pas la bise brouillée, des fois ?»« Écoutez-moi, » intervint Ophélie, « je voudrais... »« Non !» l'interrompit Thorne en soutenant sans ciller le regard du grand-oncle par-dessus la longueur de table qui les séparait. « Ce n'est pas tout ce que j'ai à dire, neuf, était mon premier argument. » « Pour me faire bien voir de vous, quatre et le second. »« Quatre quoi, Monsieur Thorne ?» Ophélie dévisagea son père comme s'il venait enfin de prendre du relief. Il s'était exprimé d'une voix mal assurée, comme chaque fois qu'il parlait, mais il l'avait fait en se levant de sa chaise, en appuyant ses deux mains sur la table et en enfonçant son regard dans celui de Thorne. La gravité extrême qu'il manifestait à cet instant fit presque oublier son crâne dégarni et ses traits effacés. « 4 jours, » répondit Thorne en s'attaquant à un nouveau morceau de tarte avec son couteau. « C'est le délai qui nous sépare du mariage. Durant ce laps de temps, peu importe combien mon attitude envers votre fille vous choque ou vous déplaît, je vous demande de ne pas vous en mêler. » Thorne, vous ne devriez peut-être pas... » Cette fois encore, Ophélie n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Pareille à une casserole parvenue à ébullition, sa mère explosa dans un spectaculaire remous de robes et de bijoux. « Je me mêle de la vie de mes enfants, comme je l'entends. Je ne peux pas m'opposer à ce mariage !» admit-elle avec un regard pour la rapporteuse dont la girouette s'était remise à tournoyer. « Mais vous êtes plus caillant qu'un Pingla, c'est ça! Je n'ai pas peur de vous le dire en face! 4 jours, insista Thorne sans hausser le ton. Après le mariage, vous pourrez demander à votre fille de vous rendre visite sur Anima aussi fréquemment et aussi longuement que vous l'entendez. À ces mots, la mère retrouva une coloration normale. Le père se rassit sur sa chaise, les oncles et les tantes se consultèrent du regard. Ophélie, quant à elle, n'en croyait pas ses oreilles. « Il me semble, » dit-elle en s'armant de patience, « que je pourrais au moins... »« J'ai votre parole ?» la coupa sa mère. « Je pourrais rappeler ma fille à la maison autant de fois que je le décide ?» C'en était trop pour Ophélie. Elle commençait à trouver insupportable cette façon qu'ils avaient tous de parler d'elle, comme si elle n'était pas présente. Elle avait affronté le public du théâtre optique des dizaines de fois, et elle était incapable de se faire entendre de sa propre famille. Elle inspira aussi fort que le permettait son nez enrhumé, bien décidée à s'imposer, mais la réponse irrévocable de Thorn lui vida les poumons. « Je vous le promets. »« Vous ne vous opposerez jamais à ma volonté ?» La mère d'Ophélie avait souligné chaque syllabe en martelant la nappe de son index. Le poivrier, un peu affolé, s'éloigna prudemment en quelques bonds. « Non, » dit Thorn, « je ne m'y opposerai pas. » Son regard traversa alors l'atmosphère comme une lame pour se planter en plein dans les lunettes d'Ophélie. Parents, grand-mères, frères, sœurs, oncles, tantes et cousins firent grincer leurs chaises en pivotant vers elle à leur tour. « Si mon avis vous intéresse encore, » s'agaça Ophélie. « Je pense que... »« Vous êtes trop arrangeant, Monsieur Thorn. » Cette fois, c'était la rapporteuse qui lui avait coupé la parole. Elle s'était exprimée avec un sourire indulgent, une tasse de thé à la main, sa cigogne métallique acquiesçant du bec au sommet de son chapeau. « C'est tout à votre honneur de vouloir nous mettre à l'aise, » reprit-elle. « Mais vous n'avez pas à nous faire de telles promesses. La place de notre petite Ophélie est ici, à vos côtés. Si vous lui laissez trop de liberté, elle n'honorera jamais ses devoirs envers vous et tournera en dérision cette alliance diplomatique. » Thorn émit un reniflement dédaigneux. Son regard passa lentement d'Ophélie à sa mère, sans s'arrêter sur la girouette de la rapporteuse qui pointait son bec sur lui. « Pour résumer la situation, » articula-t-il en appuyant ses longs doigts les uns contre les autres, « je vous offre ce que je possède de plus profitable, mes biens, et je vous épargne ce que j'ai de moins avantageux, ma compagnie. En contrepartie, je réclame ces 4 jours pendant lesquels vous ne vous immiscerez pas dans mes affaires. » La rapporteuse ne souriait plus du tout, terriblement froissée d'avoir été ignorée. La mère d'Ophélie, quant à elle, contracta tous les traits de son visage. Elle plissa les paupières, tordit les sourcils, serra les lèvres dans un tel effort de concentration, cherchant encore et encore l'entourloupe, que les épingles de son énorme chignon s'agitèrent au même rythme que ses pensées. Ses muscles finirent par se relâcher sous la poussée d'un sourire triomphal. « Je reprendrai volontiers un peu de dessert. Je vous resserre une part de tarte, Monsieur Thorn. » À bord de la cabine du téléphérique, Ophélie fixait Thorn en silence par-dessus ses lunettes assombries. Plié tant bien que mal sur la banquette d'en face, son porte-document à même les genoux, il ne disait rien non plus. Agathe se chargea de faire la conversation pour eux pendant toute la durée de l'ascension. « 9 châteaux, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun château sur Anima, n'est-ce pas, Sorette? Juste des bicoques caractérielles, et dans le meilleur des cas, parfaitement ennuyeuses. Oula, notre nacelle grince beaucoup, vous ne trouvez pas? Je suis si... impatiente de voir enfin quelque chose de grandiose, Monsieur Thorn. J'ai visité les sables d'Opale de long en large, cette mer grise, ces sinistres rochers, toutes ces usines, c'est d'un lugubre. Non, d'une balançoire, on ne remue pas un peu trop. Le fait est que je ne comprends pas pourquoi votre tante nous impose de rester si longtemps ici, Monsieur Thorn. J'aimerais tellement rencontrer de vraies dames du monde, comme les sœurs de l'ambassadeur. Elles sont si belles, si gracieuses, si délicates. Un peu étranges, il est vrai. Je les ai croisées ce matin sur le promenoir et je me suis demandé si elles n'avaient pas abusé des vapeurs. Elles avaient l'air complètement perdues. Ouf, nous sommes arrivés. Le caquetage d'Agathe accompagna Thorn et Ophélie jusqu'au débarcadère du téléphérique et résonna à travers toutes les galeries en briques de la gare des Sables d'Opale. Il mourut sur ses lèvres quand, au lieu de descendre vers les quais, Thorn s'enfonça dans un tunnel traversé par un puissant appel d'air. « Où allons-nous ? » bredouilla Agathe en retenant son chapeau à plumes. « Monsieur Thorn ne repart pas en train ? Il ne rentre tout de même pas à pied, non ?» « Il a un local réservé à l'extérieur de la gare, sur la muraille, » répondit Ophélie. C'est par là que nous sommes revenus du cirque tout à l'heure. Un local? Sur la muraille? Je ne comprends pas. En tant qu'intendant, Thorn possède des clés spéciales. Enfin, les clés ne sont pas spéciales en elles-mêmes, mais elles donnent accès à des roses des vents. Et les roses des vents, tu vois, ce sont des sortes de raccourcis. Quoique des raccourcis, il ne faut évidemment pas se tromper dans le dédale des portes. À la façon dont sa sœur écarquillait les yeux, Ophélie sut qu'elle l'avait complètement embrouillée avec ses explications. « Le local n'est pas loin, » conclut-elle simplement. Agathe poussa un petit cri terrifié en se cramponnant des deux mains à son chapeau. Le tunnel venait de déboucher sur une courtine gardée par une double rangée de créneaux et décorée de statues trop érodées pour ressembler encore à des êtres humains. Si la largeur du chemin était tout à fait confortable pour marcher, la vue l'était certainement beaucoup moins. À droite, la muraille surplombait le rivage des sables d'opale de tellement haut qu'il était possible d'admirer chaque traînée d'écume sur le dos argenté de la mer. La station thermale ressemblait à une petite maquette d'urbanisme et l'hôtel des thermes dressé au loin sur son promontoire rocheux tenait de l'usine miniature. Cette vision à elle seule aurait eu de quoi donner le vertige, mais ce qui se déployait de l'autre côté de la muraille était plus spectaculaire encore. À gauche, le monde n'existait plus qu'à l'état gazeux. Les nuages se faisaient et se défaisaient dans un mouvement perpétuel. Ils laissaient parfois entrevoir, à travers leurs dentelles fluctuantes, des éclats de ciel, une étincelle de soleil, mais jamais, absolument jamais, le sol. Ici s'arrêtait l'arche. Ici commençait le vide. Le plus désespéré des suicidaires ne se serait pas jeté de ce côté-là de la muraille. Thorn s'avançait entre ces deux infinis, aussi impassiblement qu'il l'aurait fait sur le trottoir d'une avenue. Il n'avait pas perdu de temps, on ne voyait déjà plus de lui qu'un lointain manteau noir qui battait l'air comme un étendard. Il finit par se retourner à demi, cependant, quand il s'aperçut que plus personne ne le suivait. « Je ne peux pas !» décréta Agathe d'une voix blanche. « Impossible ! Disons au revoir à Monsieur Thorn d'ici !»« Il vient juste de signer un traité de paix avec maman !» rétorqua Ophélie. « Ce ne serait pas très diplomatique. » Elle désigna la saillie en pierre d'une guérite plus loin sur la muraille pour montrer à sa sœur l'endroit où il leur fallait se rendre. « Je ne peux pas !» répéta Agathe en s'appuyant sur le mur du tunnel comme si le monde entier était devenu instable. « Le téléphérique passe encore. Ça, c'est au-dessus de mes forces. Reste ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Je raccompagne Thorn et je reviens. » Tu m'auras sous les yeux tout du long. D'accord. Tu ne répéteras pas à maman que je vous ai laissé seule, hein? Tu sais combien elle est à cheval sur les principes. Promis. Déséquilibrée par le vent qui envahissait sa robe, Ophélie rejoignit Thorn avec l'impression de marcher sur un raz de marée en pierre qui fendrait l'univers en deux. Même pour elle, qui n'était pas sujette au vertige, l'expérience restait impressionnante. Thorn se remit en marche dès qu'Ophélie fut à son côté, d'un pas cette fois moins pressé. Je comprends mieux pourquoi de tous les chaperons potentiels, vous avez désigné cette pipelette. Il y avait une note presque appréciative dans sa voix, mais Ophélie, pour sa part, ne se sentait pas fière d'elle-même. Elle avait compté sur la peur du vide de sa sœur. C'était une manipulation un peu mesquine. J'avais quelque chose à vous demander, dit-elle. Et je tenais à le faire en privé. Quoi donc? Des excuses. Gênée par les rafales de vent, Ophélie coinça tout ce qu'elle put de cheveux dans son écharpe, puis elle ignora de son mieux le regard oblique que Thorn abaissa dans sa direction. Elle avait essayé d'insuffler de la dureté à ses mots, de réveiller en elle les braises d'une colère juste et méritée, mais elle n'y était pas arrivée. L'étrange mélancolie qui s'était emparée d'elle sur la plage d'Asgard ne la quittait plus. « Pourquoi m'excuserais-je? Vous m'aviez demandé un domicile. Je vous offre un château. J'ai tenu envers vous toutes mes promesses. » « Je parle de mes parents. Vous deviez les rassurer. Il vous suffisait de faire bonne impression pendant une heure, Thorn. Une petite heure. À la place, vous concluez un marché avec ma mère. » Et elle est rassurée. Rassurée? Elle exulte, oui. Vous lui avez donné les pleins pouvoirs sur ma vie. Je lui ai promis de ne pas m'opposer à sa volonté. Cette promesse n'engage que moi. Ophélie s'accorda un instant de réflexion, le temps de faire quelques pas sur le chemin de la muraille, puis elle dut admettre que Thorn avait en effet choisi ses termes avec soin durant le repas. Curieusement, cela ne lui fit aucun bien. Ainsi, le choix de rester ou de partir revenait à elle et à elle seule. Cela ne pouvait quand même pas être aussi simple. « Mettons que je vous prenne au mot, » murmura-t-elle. « Mettons que je quitte le pôle sitôt après la cérémonie du don et que je ne revienne jamais. Cela ferait de vous le plus ridicule des maris. » « Je vais déjà m'employer à ce que vous surviviez jusqu'à notre mariage. » Maugréa Thorn d'un ton maussade. « Vous me communiquerez votre animisme. Je vous libérerai de vos obligations conjugales. Nous serons quittes. Ce que vous déciderez de faire ensuite ne regardera que vous. » Ophélie sentit qu'il allait ajouter autre chose, mais il fut interrompu par deux détonations successives qui trouèrent la plainte du vent. Au loin, par-delà le bord de mer et les quartiers industriels, là où l'enceinte longeait la forêt boréale, deux panaches de fumée s'élevaient des créneaux. Il n'était jamais rassurant d'entendre les canons de la muraille. Cela signifiait généralement qu'une bête s'approchait trop près de la ville. Quelques jours auparavant, un glouton géant avait pris le rempart d'assaut. Il avait fallu beaucoup de canonnades pour le mettre en déroute. Ses grognements avaient été d'une telle puissance qu'on les avait entendus jusque dans les thermes. Si le personnel et les curistes ne s'en étaient pas inquiétés et habitués aux éclats de la nature, cela avait été une expérience assez frappante pour la famille d'Ophélie. La vie au pôle était ainsi. Où qu'on alla, quoi qu'on fît, le danger faisait partie du quotidien. Et pourtant, songea Ophélie, elle ne la détestait pas tant que ça, cette vie-là. Que faites-vous de l'alliance diplomatique? Vous n'avez cessé, Bérénilde, vous, de m'agiter cet argument sous le nez pour que je me tienne tranquille. Pensez-vous que M. Farouk sera d'accord si je passe mon temps à l'autre bout du monde? Il vous oubliera pour peu qu'il ne vous ait pas continuellement sous le nez, affirma Thorn. Seul compte son livre, et le livre c'est votre affaire, je sais. Son rhume refaisant des siennes, Ophélie se moucha bruyamment avant de se composer une voix sévère. Vous ne vous êtes accordé que 3 mois pour affronter cette lecture, rappela-t-elle. Prétendez-vous y arriver sans personne pour vous apprendre à maîtriser notre nouveau pouvoir? Arrêtez de vouloir porter le monde entier sur vos épaules. Ophélie se prit d'un intérêt intense pour les gigantesques remous de nuages, mais elle devinait dans l'angle de son regard la profonde perplexité de Thorn. Qu'est-il arrivé au mur d'enceinte, là-bas? Ajouta-t-elle. Appuyée sur le parapet, Ophélie désigna un point éloigné de la muraille à peine visible à l'œil nu dans les brumes argentées. Les fortifications épousaient le relief du bord de l'arche, à califourchon entre mer d'eau et mer de nuages, mais leur cheminement semblait s'interrompre brutalement au bord du vide pour reprendre un peu plus loin. Cela donnait l'impression qu'il y avait un gros trou plein de nuages au milieu du décor. « Il s'est effondré, » dit Thorn qui la regardait bien plus attentivement que le mur en question. « Un bloc de terre s'est détaché à cet endroit, il y a 4 ans. » Ophélie s'éloigna aussitôt du parapet, à croire qu'il menaçait soudain de s'effriter sous son poids. « Un effondrement ? » répéta-t-elle incrédule. « De cette taille ?»« Celui-là n'était pas si grand, » fit observer Thorn. « Un bloc de plusieurs kilomètres s'est décroché d'une arche mineure d'Héliopolis il y a 2 ans. Vous ne lisez jamais les gazettes interfamiliales ?» Ophélie secoua la tête. Elle avait toujours considéré les arches comme de petites planètes solides et immuables. Cela lui faisait un choc d'apprendre que des fragments entiers pouvaient sombrer ainsi dans le vide du jour au lendemain. « Nous vivons dans une drôle d'affaire, tu sais, » avait dit le grand-oncle. Alors que leur conversation lui revenait soudain en mémoire, Ophélie se sentit emportée dans un tourbillon de questions. La déchirure du monde était-elle réellement finie? Qu'est-ce qu'il avait seulement provoqué? L'une de ces guerres dont les doyennes ne voulaient surtout plus entendre parler? Les esprits de famille savaient-ils quelque chose d'important à ce sujet avant de l'avoir oublié? Leur livre détenait-il une information sur ce qui s'était passé? Et si c'était cette vérité-là qui dérangeait certaines personnes? Ophélie fut arrachée à son questionnement par la pluie. Une goutte tomba sur son front, une autre sur son nez, et en quelques instants, une averse froide s'abattit sur toute la muraille. « Nous vivons dans un monde vraiment énigmatique, » dit-elle en protégeant ses lunettes de la main. « Je lis toutes sortes d'objets depuis des années. J'ai l'impression de ne rien connaître. Une terre éclatée en morceaux, des esprits de famille oublieux, des livres indéchiffrables, vous... » Une lueur traversa les yeux de Thorne, un muscle joua le long de sa mâchoire et, l'espace d'un instant, Ophélie eut la certitude qu'il allait enfin se confier à elle. Alors qu'il desserrait les dents, une nouvelle détonation s'éleva dans le lointain. Les canonniers devaient avoir affaire à une bête particulièrement obstinée, et cette interruption parut ramener Thorne à la réalité. Il abrita son porte-document sous son grand manteau noir. « Dépêchons-nous, » dit-il d'un ton bourru. « Je ne peux pas m'attarder plus longtemps, et vous allez encore attraper froid. » Tandis que Thorne se dirigeait vers la guérite, dont les vieilles pierres et le toit bulbeux se découpaient sur le fond nuageux du ciel, Ophélie fut plus que jamais troublée par l'aura de solitude qui l'enveloppait de la tête aux pieds. « Aidez Thorne, » l'avait supplié Bérénilde. Comment était-elle supposée accomplir cette prouesse avec un pareil entêté? Ophélie fit signe de patienter à Agathe, qui lui adressait de grandes gesticulations agacées depuis le tunnel de la gare. Vue d'ici, à travers la pluie, sa sœur ne se résumait plus qu'à des ondulations de robe blanche et de cheveux roux. Ophélie courut ensuite pour rejoindre Thorne sous l'auvent de la guérite. C'était un abri tout relatif. Les interstices entre les ardoises laissaient filtrer des fuites, et la proximité du vide créait un appel d'air plus puissant ici qu'ailleurs. « Quand reviendrez-vous » demanda-t-elle. « J'ai encore beaucoup d'inspections à effectuer en province. » Ses lunettes éclaboussées de tous les côtés, Ophélie ne distinguait plus de Thorne qu'une grande ombre floue. Il lui semblait que sa voix avait résonné de façon plus caverneuse que d'habitude, et ce n'était pas seulement dû à l'acoustique réverbérante de la guérite. « Quand voulez-vous que je revienne ?»« Moi ?» s'étonna Ophélie, qui ne s'était pas attendue à ce qu'il lui demandât son avis. « Je suppose que ça dépend surtout de vos obligations. Essayez simplement de ne pas oublier le mariage. » C'était une boutade, évidemment, mais Thorne lui répondit avec son indéfectible gravité. « Je n'oublie jamais rien. » « Vous me faites justement penser, » s'exclama Ophélie après avoir essuyé ses lunettes, « que j'ai oublié de vous informer de la nouvelle lubie de votre tante. Bérénilde m'a demandé d'être la marraine de son enfant. » Thorne arqua les sourcils et sa cicatrice disgracieuse et suivit le mouvement. « Cela n'a rien d'une lubie. Vous faites maintenant partie de la famille. » L'estomac d'Ophélie se tortilla sur lui-même. Avait-on idée de faire des déclarations pareilles sur un ton aussi solennel? « Cette proposition ne me surprend pas, » poursuivit Thorne. « Ma tante va mettre au monde le descendant direct de Farouk. Les proches de cet enfant se verront assurer une place de choix à la cour. C'est aussi ma position qu'elle renforce par la même occasion. » Ophélie réalisa soudain que, si Archibald ne s'était pas imposé de force en tant que parrain, ce rôle serait probablement revenu à Thorne. « Cela étant, mon avis... « et que vous devriez décliner cette offre, » ajouta-t-il après réflexion. « Votre place à vous n'est pas et n'a jamais été à la cour. »« Ma place est là où j'aurais choisi d'être, » faillit rétorquer Ophélie, passablement agacée, mais elle s'entendit répondre. « J'ai rencontré votre mère hier. » Ophélie se demanda aussitôt ce qu'il lui avait pris. Ce n'était ni l'endroit ni le moment d'aborder le sujet, mais elle pressentait que ce tabou-là était le rouage central de toute la mécanique de Thorne. Si Ophélie parvenait à saisir la nature profonde du lien qui le rattachait à sa mère, elle pourrait enfin le comprendre et peut-être même l'aider. Bérénilde m'a raconté ce qui lui est arrivé, enchaîna-t-elle d'un ton moins assuré en voyant Thorne se rembrunir tout à fait. Je me demandais Si vraiment vous avez hérité de sa mémoire avant sa mutilation, vous serait-il possible de... enfin, de la lui rendre? Je ne veux pas insinuer qu'elle mérite un geste affectueux de votre part, s'empressa-t-elle de préciser, alors que le visage de Thor ne durcissait à vue d'œil. Je sais que votre mère n'en a pas eu un seul pour vous. J'avais surtout le sentiment que sa mémoire était un fardeau supplémentaire. Vous ne savez rien. Thorne avait prononcé ces quatre mots avec un calme glacial. Une électricité perceptible frémissait tout autour de lui. Ses griffes se tenaient là, à fleur de nerf aussi acérées que ses yeux en lame de rasoir. Cette réaction hostile produisit sur Ophélie le même effet que la pluie qui continuait de lui ruisseler sur la tête à travers les interstices de l'auvent. « En effet, » admit-elle entre ses dents, « je ne sais rien. » Il y avait pourtant une chose qu'elle commençait à comprendre. La mère de Thor avait été proche de Farouk, et elle détenait un secret. N'était-ce pas à cause de cela et de cela uniquement que Thor ne voulait déchiffrer le livre? Le lien entre ces deux affaires semblait évident. Thorn sortit le trousseau de l'intendance et, après avoir passé en revue ses clés, il en introduisit une dans la serrure de la guérite. L'intérieur du local était à l'image de toutes les roses des vents qu'Ophélie connaissait, une pièce circulaire presque entièrement composée de portes, chacune ouvrant sur une destination lointaine. Les roses des vents desservaient souvent d'autres roses des vents, ce qui offrait un très large éventail de possibilités pour se déplacer. « Ne quittez plus l'hôtel, » ordonna Thorne. « Faites attention aux personnes que vous fréquentez, à la nourriture que vous ingurgitez et à l'air que vous respirez jusqu'à mon retour. L'invisible veille à votre sécurité. Évitez de lui compliquer la tâche. Si vous suivez mes recommandations à la lettre, il ne vous arrivera rien. » Ophélie jeta un coup d'œil derrière elle, se demandant si Vladislava se trouvait en ce moment même sur la muraille avec eux, mais elle ne vit rien d'autre que l'épais rideau de la pluie. Elle frissonna de toute sa peau en sentant le vent se plaquer sur ses vêtements trempés. À présent qu'elle ne distinguait plus ni sa sœur ni les abîmes, elle avait presque le vertige. « Attendez !» murmura Ophélie en sortant la montre à gousset de la poche de son manteau. « Avant que vous ne partiez, je voudrais vous rendre ceci. Vous en avez plus besoin que moi et de toute façon, je ne la lirai pas. J'ai choisi de vous faire confiance à vous et pas à votre montre. » Assurément, ces paroles auraient été du plus bel effet si la voix d'Ophélie ne s'était pas évanouie sur les derniers mots. Elle venait de remarquer que l'aiguille des secondes ne pulsait plus. « Je ne comprends pas. » bégaya-t-elle, tandis que Thorne refermait son poing autour de la montre avec une expression crispée. « Je l'ai remontée encore ce matin. Un grain de sable a dû gripper le mécanisme. » Ophélie se sentit parfaitement idiote. Son intention avait été de l'amadouer, pas de le fâcher pour de bon. « Mon grand-oncle peut guérir n'importe quel objet, » dit-elle gauchement. « Tout bien considéré, vous devriez me la laisser encore un peu. » Thorne se pencha dans un interminable mouvement vertébral, mais il ne lui rendit pas la montre. À sa place, il posa sa bouche sur la sienne. Ophélie écarquilla les yeux, le souffle coupé. C'était un baiser absolument inattendu qui la plongea dans un état de stupeur. Incapable de réfléchir, elle perçut en revanche toutes les sensations environnantes avec une acuité nouvelle. Le clapotis de la pluie sur les pierres, le vent empêtré dans sa robe, ses lunettes qui s'enfonçaient dans sa peau, les cheveux mouillés de Thorne contre son front, la pression maladroite de ses lèvres et soudain, alors qu'elle prenait enfin conscience de ce qui était en train de se passer, Ophélie fut saisie d'un violent vertige, une bouffée de panique monta en elle et sa main s'envola toute seule. C'était la première fois qu'Ophélie giflait un homme et, si son geste avait été plus instinctif que brutal, elle fut choquée par sa propre réaction. Thorne parut l'être beaucoup moins, en revanche. Il se redressa avec raideur tout en massant sa joue d'un air pensif, le regard de côté comme s'il s'était préparé dès le début à cette éventualité. « Écoutez, » bredouilla-t-elle après un silence embarrassé, « je ne voulais pas, vous n'auriez pas dû... »« J'avais un doute. » L'interrompit Thorne, les yeux toujours détournés. « Vous l'avez dissipé. » Ophélie réprima de son mieux les soubresauts affolés de son écharpe. S'était-elle vraiment comportée d'une façon qui prêtait à confusion? Horriblement gênée, elle vit le grand corps de Thorn se ployer pour passer la porte de la guérite, sans un regard en arrière. « Je m'emploierai à ce que vous surviviez jusqu'au mariage, » lui promit-il pour la seconde fois. « Quand tout sera fini, rentrez chez vous avec votre famille. Le ridicule ne m'a jamais tué. » Sur ces mots, il referma la porte derrière lui, et le cliquetis sonore de la serrure indiqua qu'il l'avait verrouillée à double tour. Les oreilles en feu et les lunettes empourprées, Ophélie contempla fixement les lettres délavées du vieux panneau de bois, personnel uniquement, comme si Thorn pouvait à tout moment revenir sur ses pas, reprendre son baiser et lui laisser sa montre à gousset comme elle l'avait proposé en premier lieu. Les grands cris hystériques d'Agathe interrompirent sa réflexion. « Ouh, Sœurette, reviens immédiatement !» Ophélie crut d'abord qu'Agathe avait accompli l'improbable exploit d'assister à toute la scène en dépit de la distance et de la pluie. Elle finit cependant par comprendre qu'il se passait autre chose à mesure qu'elle traversait la courtine en sens inverse. Sa sœur lui désignait le paysage avec des gestes surexcités, ce qui était surprenant quand on connaissait sa peur du vide, et les canons de la muraille retentirent pour la troisième fois. Ophélie se pencha par-dessus le parapet. L'averse avait cessé aussi brutalement qu'elle avait commencé, et le soleil déchirait déjà les nuages pour déverser sa lumière sur les salines des sables d'opale. Il y avait une animation inhabituelle dans les rues et, pendant un instant, Ophélie craignit qu'un animal sauvage fût introduit en ville. Elle blêmit quand elle releva les yeux vers l'horizon et aperçut, au-dessus de la mer, entre deux mouvements de nuages, un entrelac gigantesque et chaotique de tourelles, d'arc-boutants et de cheminées. Ce n'était pas la venue d'une bête que les canonniers annonçaient. C'était celle de la citatielle. « Madame Vladislava, êtes-vous ici, avec moi ?» appela Ophélie. « Oui, mademoiselle. » finit par répondre une voix un peu éloignée au timbre militaire caractéristique. À présent, Ophélie percevait presque la présence d'une ombre rouge dans l'angle de son regard, mais elle ne voyait personne dès qu'elle tournait la tête. Peut-être serait-elle embarrassée plus tard à l'idée que cet invisible eût été témoin de ce qui s'était passé entre Thorn et elle, mais pour l'heure, il y avait plusieurs gens. « Pouvez-vous faire prévenir Thorn qu'il y a un imprévu ?»« À vos ordres, mademoiselle. »